Hello. Alors ici El Catou avec Mio, on n'a toujours pas récupéré Nelson. Il est engouffré parmi Perdu les, dans les limbes. c'est ça, dans les limbes du Tout capitalisme, parce qu'il a besoin d'argent, le monde a du toujours besoin travail. d'argent. Oui, Oh. mais lui il a besoin d'argent le week-end. Voilà. Donc aujourd'hui on va vous parler de trois films. Faut savoir que c'est notre avant-dernière émission. Tout va bien. Qu'on vous fera une émission la semaine prochaine avec les films, parce que là il y a la réouverture des salles mercredi, Oui. et donc on vous fera notre Dès dernière samedi, émission. on va chacun aller au Cinoche et voilà. Je pense que dès mercredi soir, à mon avis, les salles vont être blindées. Mais Ah, pour ceux qui peuvent. oui, exact. Donc ouais, on vous fera pour fêter la réouverture, on fera une dernière mission avec nos petits coups de cœur de rentrée. Voilà. Alors aujourd'hui, on va vous parler donc de trois films. Le premier, ce sera Clou par Nio. Il y a Cluedo. Clou de Jonathan Lynn. Voilà. On enchaînera avec moi pour un film qui s'appelle Tu peux compter sur moi de Kenneth Lonergan. Ensuite, on vous parlera et on finira par un petit bijou du genre, par Mio, qui vous parlera de La France interdite. Alors, il y a Gilles Delannoy, Jean-Pierre Garnier, Jean-Pierre Imbro-Auris. Voilà. Mon cher Mio, je te laisse nous parler de Clou. Alors, j'ai toujours voulu le voir, ce film-là, en fait, donc ça tombe bien que tu en parles. Eh ben moi aussi, et j'ai sauté le pas. Vas-y. Du coup, Clou ou Cluedo, en fait, les deux titres sont bons, vu que ça se base sur le fameux jeu de société, et que en Grande-Bretagne, on dit Clou, que je me trompe pas. Non, en Grande-Bretagne, on dit Cluedo, et en Amérique, ils disent Clou, ce qui est l'abréviation de indice. Voilà. Nous, on dit Cluedo, comme les Bretons. Peut-être parce que les Britanniques sont plus proches de nous que les Américains. Exactement. Il faut savoir que le jeu, on le doit à un couple qui est Anthony Pratt ainsi que sa femme Elva Rosalie Pratt. Ils l'ont créé en 43, donc c'est pas récent, mais il ne sera mis en vente surtout au Royaume-Uni qu'en 49. Voilà. D'accord. Et à partir de là, il va envahir le monde. Et c'est très bien d'ailleurs, vu que ça a été un succès fou, le Cluedo, et ça va nous permettre donc de parler du film de Jonathan Lynn, qui est une adaptation donc du jeu. Ou plutôt qui se veut une adaptation du jeu. Mais dans l'idée, c'est vraiment assez fidèle dans l'idée, parce que comment tu vas adapter un jeu de société en film? Ben Il y a c'est une ça. part d'imagination et une part de recréation. Là, c'est pas comme un jeu vidéo, etc., où certaines personnes vont adapter en jeu vidéo en film d'une manière un peu coconne, un peu plan-plan. On va pas citer les adaptations de jeux vidéo, elles sont toutes ratées, le plus souvent. Du coup, là, en tout cas, on reprend les personnages principaux, c'est-à-dire le colonel Moutarde, Madame Rose, comment s'appelle, la gouvernante, qui dans le film s'appelle Yvette, et c'est un délice d'entendre Colin Camp qui parle en français par moment, parce que c'est censé être une domestique française. Donc elle parle en américain, et puis à chaque fois elle fait « Oui, madame, bonjour, madame, le repas est servi », avec un accent français un peu à couper au couteau, et c'est assez délicieux. D'ailleurs, le film a très bien vieilli, date de 85. On va revenir sur le casting, parce que le casting est assez alléchant en plus. Mais c'est l'archétype de la comédie policière. Donc l'aspect policier qui est... On est vraiment comme presque dans du Agatha Christie, avec même le twist, etc., l'enquête. Et en même temps, l'aspect comédie qui... Avec tous les gags, le film est ponctué parfois de jeux de mots, de situations absurdes. Et ça reste un délice de comédie fine, comédie britannique, on va dire, très fine. Et le casting, justement, nous avons notre cher Tim Curry, qui joue le majordome, Wadsworth, en radio. Nous avons Helen Brinan, qui joue Madame Peacock. Nous avons Christopher Lloyd, qui joue le professeur Plum. Et en plus, la même année, il avait Retour vers le futur. Ouais. Mais là, Christopher Lloyd, on reconnaît pas trop. Comment dire, un prof qui a le mérite, ou plutôt le désavantage, de pas un prof, mais plutôt un professeur. C'est professeur, apparemment la médecine, mais un professeur qui est demandé pour les conférences, tout ça, etc., qui a une chaire de médecine. Et on s'aperçoit qu'il s'est tapé un peu toutes ses patientes. D'ailleurs, en fait, toutes les personnes qui vont être là dans le truc, en fait, c'est une espèce de soirée qui est faite. Et tous les invités qui viennent, on leur donne un pseudonyme. Par exemple, le majordome qui est joué par Tim Curry, donc il se dit Wadsworth. Et il dit, vous serez le colonel Moutarde à l'acteur Martin Mull. À Christopher Lloyd, il lui dit, vous serez le professeur Plum. Et ainsi de suite, etc. Donc, on arrive pour une soirée. Et ils ne se connaissent pas, enfin en apparence, ils ne se connaissent pas, en fait on va vite comprendre qu'il y a des liens entre eux, et ils attendent celui qui les a invités, Monsieur Body, qui est joué par Lee King. Lee Bing, pardon. Ça va plus faire un jeu de mots, Lee King, tout ça. Et en fait, d'ailleurs, Monsieur Body, d'ailleurs, le titre Monsieur Body, c'est BO2DY, mais c'est en soi-même un jeu de rôle assez drôle, parce que ça va être la première victime de la Oui. soirée. Donc, et en fait, ils sont tous amenés donc à cette soirée, ils se connaissent pas du tout, et en fait, ils vont s'apercevoir qu'ils sont venus parce qu'il y a un maître chanteur donc qui leur a fait du chantage, blackmail, et il détient tous des preuves sur eux. Et il va leur dire à un moment le maître chanteur, oui, bah écoutez, je vais vous laisser des trucs, il va leur laisser des objets qui vont être à ouvrir. Les objets en question, c'est comme dans le jeu de plateau, il y a une corde de pendu, il y a un revolver, il y a un poignard, il y a du poison, et il va leur dire, si vous voulez pas que ces preuves soient données au grand public, etc., vous allez devoir tuer quelqu'un. Sauf que dès le début, il y a une coupure de courant, le monsieur Body est retrouvé mort, on sait pas trop, il est allongé par terre, le professeur Plum, il n'arrive pas à identifier de quoi il est mort, il dit juste, ah, il est mort, etc. Et du coup, ils sont tous en train de se dire, mais attends, mais c'est nous dans le noir, etc. Je l'ai tué, non, c'est toi. Non, mais Qui est j'ai le posé le mec qui a pris revolver. le but du jeu trop au sérieux, quoi. Non, mais c'est John Landis qui fait le scénario et c'est assez fun, quoi. Et voilà. Et tout le reste du film, ça va être de trouver le coupable, sachant qu'en fait, il n'y a peut-être pas forcément un coupable, ils sont peut-être deux avec un complice, comme dans les grands scénarios policiers où il n'y a pas quelqu'un qui peut faire tout seul. Et il va pas y avoir un seul meurtre, mais il va y en avoir trois, quatre. Tout va arriver au cours de la soirée. Et donc, ils sont isolés dans cette maison. Ils ne peuvent pas sortir parce qu'il pleut à grosses gouttes. Et puis, il y a un gros chien qui garde l'entrée, tout ça. Wadsworth, donc joué par Tim Curry, avait reçu l'ordre de jeter la clé, de refermer la clé, de jeter la clé dehors. Donc, et puis après, ils vont s'apercevoir qu'en fait, il y a même des passages secrets dans la maison, etc. Ce qui explique que le tueur a pu intervenir à deux endroits en même temps, parfois. Ils n'en disent pas plus. À l'époque, le film avait trois fins différentes. Donc tu le regardais au cinéma et t'avais les trois fins qui s'enchaînaient. T'avais la première fin, etc. Tu croyais avoir trouvé la solution et tout à coup t'as un carton qui fait mais attendez et ça aurait pu se passer comme ça. Trois points de suspension et là t'as la deuxième fin qui est proposée avec un autre coupable et après t'as encore une troisième fin avec un autre carton qui te fait ou alors que pensez-vous de celle-ci? Et le pire c'est que les trois fins elles peuvent tenir complètement. Ça peut être un suspect différent à chaque fois. Qui peut avoir ses propres motivations qui vont être expliquées dans les 5 dernières minutes de la fin alternative. Donc évidemment, la fin, c'est le film dure environ 1 heure et demie. Il y a environ 20 bonnes minutes pour les trois fins, etc. Donc on voit pas le temps passer, il y a un bon rythme, ça va vite, etc. Il n'y a pas de temps mort. Même à la fin, on a un petit coup de Tim Curry show, où Tim Curry gesticule pour dire oui, en courant ça, il s'est passé par-ci, il est passé par-là, etc. Et tout le monde qui le suit. Donc non, c'est vraiment une chouette surprise, ce petit Cluedo. Mais du coup, Qui est j'ai assez enfin, drôle, assez tel que tu me racontes, moi j'ai l'impression qu'il y a dû y avoir un bon travail de scénario, du coup. Il y a un bon travail de scénario. Ils sont deux scénarios. Donc, Jonathan Lynn qui réalise s'est mis avec ce bon vieux John Landis, qui, rappelons-le, un peu comme Stuart Gordon, Ibrahim Newsnas, tous les bons petits coups, tout ce qui est l'horreur ou parfois les petits trucs policiers, les trucs, les comédies, tout ça. Même John Landis, on a tendance à l'oublier, parce qu'il a pu tourner grand chose, mais dans les années 2010, il a fait une petite comédie avec des voleurs, etc., qui avait pu sortir en salle, même si maintenant, je sais plus trop ce qu'il fait, je crois qu'il va peut-être revenir sur le devant de la scène, mais, Je sais plus. Il n'y a pas c'est son pas John fils Landis. qui faisait. Non, je Oui, confonds. alors, son fils avait Je confonds avec commencé à Ivan réaliser. Reitman aussi. Son fils, Ivan Reitman, Jason Reitman réalise aussi, je crois. Ah bah, c'est comme le fils Cronenberg ou la fille Lynch, quoi. C'est ça. Ouais, mais. Ouais. Faut pas que ça devienne systématique non plus parce que bon. Voilà, moi je suis sur le cas du fils Cronenberg par exemple, c'est sympa ce qu'il fait, mais je pense qu'il a encore trop l'image à coller de son père. Ben, je Bref. crois que les filles et fils d'eux ont encore beaucoup de marge à rattraper. Je pense à Sofia Coppola, qui est la plus avancée dans sa carrière. Et qui, pour l'instant, à part The Et puis Suicide, qui est une il bien. hein. Faut vraiment accrocher à ce qu'elle fait aussi. Ben, ouais, mais le truc, c'est que Sofia Coppola, tu regardes son premier film, The Suicide, tu te dis, ouais, c'est super cool. Et tu regardes Lost in Translation, deuxième film, tout d'un coup, il y a un gros virage vers le film indé, un peu autorisant, parfois un peu limite, bof-bof. Et tu te dis, et qu'est-ce qui se passe, Sofia? Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais. Donc, oui, Don Landis, pour revenir sur le film Don Landis, lui, il a pas mal produit ces dernières années. Et son dernier film, bah, c'était 2010, Cadavre à l'appel, qui a eu de bonnes critiques, de bons petits trucs. Après, il a tourné entre-temps du jeu de série télé en 2012, en 2021. Donc, il a un peu pris sa retraite, mais il n'est pas très loin. Non, non, le fils Landis, il avait commencé à tourner. Il avait aussi écrit le scénario. Shadow in the Cloud, c'est de lui, le scénario. Le problème, c'est qu'il y a eu enfin, le problème. Confinement. Non, Le non, il y a eu Covid. il a été accusé, le fils Landis, Ah voilà. Ouais. Et donc, le scénario a été remanié. C'est pour ça que Shadow in the Cloud, tu sens bien que le scénario est remanié au milieu du film. Tu te dis, what, what, what? parce que je disais Covid, parce que Shadow in the Cloud, c'était sorti l'an dernier, non? Et Non, il me non, il est sorti là, cette année. C'est pour ça que j'ai pu Oui, mais en... s'il est sorti cette année, parce que moi, ça fait un moment que j'avais vu qu'il devait sortir. C'était vraiment prévu pour cette année ou c'est pris dans les sorties du enrayé par le Covid? Je crois que ça a tardé, il devait sortir peut-être à la fin 2020, mais que ça a tardé à cause des réécritures et d'autres trucs, quoi. D'accord, ok. Parce que voilà, vers les deux tiers du film, t'as un truc qui se passe, le film tout à coup bascule en mode super-héroïne, et là tu te dis, what? What? Non, non, c'est pas possible. C'est un peu un des rares trucs qui a failli me faire décrocher, mais sinon le film est très cool. D'accord. Donc voilà, donc John Landis qui signe le scénario de Cluedo, alias Clou, et il s'amuse comme un petit fou, et en fait ça fait plaisir, le spectateur fou, il s'amuse comme un petit fou. Ouais. Non, faut le voir, c'est vraiment très chouette. Ça a bien vieilli, c'est une bonne petite comédie policière, qui a le mérite d'être une adaptation donc du jeu de société, mais qui arrive à s'en détacher, à trouver un ton personnel, quoi. Ouais, apparemment, John Landis, là, il fait de la prod, et des fois, il fait des petits caméos pour, mais c'est souvent comme ça, en fait, quand tu vois pas les mecs, c'est pas qu'ils font rien, c'est qu'ils font de la prod derrière. Ouais, il s'est demandé, apparemment, il a jamais vraiment cessé, quoi. Et puis bon, il a quand même, je pense qu'il peut prendre sa retraite parce qu'il a quand même une filmographie assez importante, quoi. 70 ans, tu peux prendre ta retraite, hein. Ah non, mais quand tu sais que c'est le mec qui a fait Hamburger Film Sandwich, qui a mourir de rire, qui a fait les Blues Brothers, le Loup-garou dans Londres, qui s'occupait de la quatrième dimension avec ses potes Spielberg Un et les prince autres. à New York. Voilà aussi, qui serait super cool. Les vidéos de Michael Jackson, le film de Beverly Hills 3, même si apparemment j'en ai plus trop de souvenirs. Donc Non, j'ai pas vu qui c'est qui reprenait pour un prince à New York. Qui c'est qui a réalisé la suite? je sais pas. Oui, Mais apparemment, ils sont basés, enfin ils ont essayé de respecter les bases du premier film, tout ça. Donc bah je l'ai vu, il est pas trop mal, hein. Après. Ça reprend effectivement tout du premier film en ajoutant des trucs supplémentaires, notamment Wesley Snipes hein, qui est dans un rôle assez. Moi, je les trouve sympas. Je trouve que ça leur rend sympathique ce rôle-là en fait. Puis il y a, je sais plus comment s'appelle la comédienne du SNL qui avait joué dans Ghostbusters aussi. Enfin, je sais plus comment s'appelle, mais elle est très bien aussi. Enfin, c'est ouais, ça pète pas qu'elle pète un canard, mais ça se laisse regarder tranquillement. d'accord. Voilà. C'était un avis furtif. Voilà. Et toi, ma chère Katou, qu'as-tu vu? Bah donc, moi j'ai vu un film qui s'appelle Tu peux compter sur moi. Parce que en ces temps de dur. Je Oui. pense qu'il est important de compter sur les gens. Ça fait plaisir. Je dis n'importe quoi. Non, mais t'as raison. C'est un film de Kenneth Lonergan, qui à la base a fait du théâtre, enfin était plus penché théâtre sur l'écriture. Après, il a commencé à faire un peu dans le cinoche. C'était quel truc déjà? Attends, que je regarde. Oui, c'était Analysis, son premier film à écrire. C'était le film avec. Ah! J'ai pas le titre français, Oh. c'est ça qui m'énerve en fait. Avec Billy Crystal, Billy Crystal et Robert De Ah, c'est pas Niro. Mafia Blues? Oui, ça doit être ça. Ouais, si, si. Voilà, c'est Oui. de ce truc de prendre un truc en anglais pour redonner un autre titre anglais, je te jure. Et donc lui, il avait écrit ce film-là qui était sa première incursion dans le ciné, qui était dirigé par qui était dirigé par Harold Ramis. Et après, donc, il a réalisé son premier film, You Can Count on Me, tu peux compter sur moi. En 2000. Enfin, il a été tourné 99, sorti 2000. Donc l'histoire, bah, c'est l'histoire de Terry et Sammy. Terry et sa sœur aînée Sammy, qui ont perdu leur enfant très jeune. Et alors que Terry est devenu un jeune homme un peu paumé, enfin un jeune homme d'une trentaine d'années, on peut élever à peu près, hein, je dirais, On peut durer toute sa vie. il devient un peu paumé, fauché, mais en même temps très libre parce qu'il vit dans un autre état. Il a réussi à sortir du petit coin dans lequel il vivait, mais ça reste quand même un mec un peu paumé et fauché. Bah sa sœur, elle, donc Samy, elle est devenue mère célibataire qui travaille dans une banque avec un patron imbuvable, voilà. Terry, bah il se dit je vais juste aller voir ma sœur pour lui taper de l'argent et puis je repars. Mais en fait, elle est un peu vénère de voir qu'il vient que pour ça, et du coup elle insiste pour qu'il reste et qu'il fasse partie de nouveau de sa vie. Donc elle lui colle son gamin entre les bras en plus à aller chercher tous les jours. Sainte. Bah c'est en mode bah tant que t'es là, moi je peux pas aller, parce qu'en fait c'est son patron qui exige que elle arrête de partir plus tôt pour aller chercher son gamin. Donc elle se dit tant qu'il y a mon frère, autant en profiter. Donc du coup, pendant que son frère, donc Terry, se lie avec son fils. Parce qu'en plus le fils de Samy, bah du coup il y a pas de présence de père, donc finalement il finit par voilà, il y a une plasie quelque part, j'ai bien quelque part hein, parce que tout c'est relatif, et donc en fait pendant que Terry et le fils de Samy se lient, ben elle entame une relation avec son patron imbuvable, Oh. donc le casting en fait, il est vraiment pas mal pour un premier film. On sent que bon, il avait quand même ça fait pas mal de relations avant. Faut savoir que en prod exécutif, il y a Scorsese, que d'ailleurs en fait, plus tard, le réalisateur, donc Kenneth Lonergan, il sera au scénario de Gang of New York. Donc comme ça, il se renvoie un peu la balle. Donc dans le casting, donc on a Laura Linney qui joue le rôle de Samy, donc la sœur aînée, mère célibataire. Oh, tu vois qui c'est, Laura Linney? Pas du tout, C'est vrai? j'avoue. Bon, au plus grand public, on pourrait dire, bon, elle a joué dans The Big Sea, je crois, qui est une série télé, mais au plus grand public, elle a joué dans Love Actually. C'est pas son plus grand rôle, hein, mais bon. Et a joué bah la meuf qui devait c'est toujours ce rôle de martyr, tu sais, enfin pas de martyr familial, tu sais, parce que dans le film elle devait s'occuper de son frère aîné qui a des problèmes mentaux et qui a du coup a passé à côté de l'amour de sa vie pour ça. Donc c'est je pense qu'elle doit aimer ce genre de rôle. Après, elle a fait un paquet de trucs, et comme j'arrive pas à avoir mes notes sous le nez, je pourrais pas le lire. Attends, 2 secondes. Parce que du coup, j'ai preuve que c'est totalement normal, c'est que je n'ai pas branché mon ordi et que je Ah risque bah bravo. qu'il me lâche. Alors attends. Donc je disais, donc Laura Linney, c'est une actrice qui, elle est, en fait, c'est une actrice quand tu la vois, elle est ni belle, elle est ni moche. Elle a beaucoup de charme, elle fait très fraîche, mais elle n'est pas du tout dans. Non, non, elle est pas du tout en fait dans les critères. Voilà, tu la vois, tu penses pas ah oh, super glamour et tout. Tu penses pas à ça en fait. Donc forcément, je pense que ça lui offre des rôles beaucoup plus humains. Elle est très bonne pour ça d'ailleurs. Ouais, donc elle a joué dans The Big Sick. Oui, j'ai retourné ma note un petit peu. Alors attends. Ouais, donc Love Actually, ça remonte. Hein. Elle joue dans Mystic River aussi. Ouais. Comment? Non, Mystic River, ouais. Non, mais après, elle a une carrière assez solide. Bon, elle est passée par la télé, hein, comme beaucoup de gens. Hein, mais ça, c'était ouais, dans les années 90, début 2000. Après, ouais, elle a fait Mystic River, Love Actually. Elle a joué dans un film qui est pas mal, qui est L'Exorcisme d'Emily Rose, Ouais, j'ai pas vu. qu'on avait un peu évoqué quand on avait fait la spéciale Halloween, une spéciale Halloween dans le Pony Cosmic Club. Oui, parce que je crois qu'elle jouait l'avocate, en fait, une avocate dedans. Et elle était pas mal du tout. Bon, après, c'est pas. Elle est pas. Enfin, en fait, c'est le genre de nana qui est sérieuse, qui joue très très bien, qui est toujours très parfaite, mais que tu verras jamais dans hyper explosée, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, pourtant, elle joue des premiers rôles, tu vois. Mais elle est jamais, je trouve qu'elle est pas assez en avant. Et je pense que The Big Sea, par contre, a pu la mettre en avant. Elle jouait dans la série Ozark aussi. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est plus au cinéma en série télé plutôt qu'elle a des rôles ces derniers temps. Après, celui qui fait son frère, c'est Oui. Mark Ruffalo. Yes. Et donc Mark Ruffalo qui à l'époque avait juste une petite trentaine d'années, mais de toute façon dans sa film à lui je sais même pas, tu vois, ces dernières années il a fait c'est je vais pas dire les 20 dernières années, mais ouais, il a fait beaucoup de films. Enfin, au début des années 2000, ça a été assez diverse. Il a fait de la grosse comédie comme genre il a joué dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Putain, faut le dire vite, faut pas le dire trop vite en fait. Mais en même temps, à côté, enfin, il faisait 30 ans sinon rien, tu vois. C'est le gars qui fait deux salles de ambiance dans sa carrière. Tom, le gars, il te fait un truc qui est sorti juste avant le confinement l'an dernier. Dark Waters. Oui, qui était très bien. Ouais. Et la même année, t'as Avengers Endgame, quoi. Le mec, il bascule assez facilement entre cinéma d'exploitation et cinéma. Je fais tomber des trucs chez moi. Cinéma d'exploitation et cinéma. Cinéma, voilà, Oui. tout ce qui est le plus sérieux, un peu quali, enfin, voilà. Mais pareil, c'est comme Laura Linney, c'est un acteur qui est hyper qui est hyper quali, c'est-à-dire que c'est les mecs, c'est des gens qui jouent rarement faux en fait, hein. Moi j'ai pas le souvenir de les avoir joué faux ces deux-là, quoi. Non. Et donc, qui fait le patron imbuvable de Laura Linney? C'est Matthew Broderick. Yeah. Ouais. Matthew Broderick qui est bien loin des rôles qu'il faisait à la Ferris Bueller ou War Games. Enfin, parce que maintenant, bon, il est un adulte empâté, voilà. Mais là, comment c'est jeune? Ben, c'est ça. Et que, ben, du coup, il est pas mal dans le rôle du chef haillon adultère à qui t'as envie de foutre trois claques, quoi. Et dans le rôle du fils de Laura Linney, on a Rory Culkin. Yes. Qui est le troisième frère Culkin après Macaulay Kieran, qui est le plus jeune, et qui est là, qui était tout petit choupinet, et qui joue pas mal, franchement, pour son âge. Hein. Pas dans Scott Pilgrim. Non, je confonds une autre Culkin. Non, c'était Kieran dans Scott Pilgrim, je crois, Ah, justement. ils sont partout les Culkin, ils sont partout. Mais c'est ça. Bah, après, c'est vrai que ces dernières années, c'est plus Kieran et Rory. Après, il y a pas mal de Kieran, hein. Rory Culkin, attends, parce que je crois qu'il est joué dans. Bon, je vais plus tard parce que sinon, je vais commencer à m'étaler n'importe où. Donc, et dans les second rôles, dans les second rôles plus en arrière-plan, en fait, on a Josh Lucas qui avait eu sa. En fait, Josh Lucas, c'est curieux sa carrière parce qu'il a eu un espèce de de grosses montées d'un coup, où il a commencé à avoir quelques articles en mode, ah, regardez, et puis d'un coup, pouf, plus rien. Et quand tu regardes son truc, en fait, il bosse, hein, il a jamais cessé de bosser. Mais voilà, c'est clairement pas le mec. Je pense qu'il faisait pas assez beau gosse, en fait, pour être mis en tête d'affiche. Parce que clairement, c'est ça le truc. Hein. Au début, moi, les premiers temps où j'en ai entendu parler, on lui faisait faire le beau gosse. Hein, alors que bon, il a pas forcément de profil pour ça. Et donc, il y a John Tinney aussi, qui est spécialiste des seconds rôles, qui est un mec assez transparent, en fait. Mais moi, je suis pas super fan du gars, quoi. Mais ça a l'air d'être un gars que tu retrouves un peu partout, qui est Minute People, qui est l'ex-mari de Terry Hatcher. Voilà. Et on retrouve dans un rôle très bien, ce que il y a le rôle que tient cette nana, en fait. On la voit souvent dans le film et je me dis, à un moment, il va se passer un truc avec elle. Alors que non, en fait. Elle dit, on la montre tellement, mais il y a une raison, en fait, je pense, on la montre tellement. C'est la femme du Réa. C'est J. Smith Cameron, et pourtant, c'est une pro des second rôles, c'est une bonne actrice, voilà, et tout. Mais du coup, c'est pour ça que je m'attendais aussi à voir un peu plus, alors que non, en fait, elle dit quelques phrases par-ci par-là, fait une collègue du personnage de Laura Linney. Elle est un peu témoin de comment ça se passe au travail, mais finalement, il y a rien qui fait, elle fait rien d'exposé, quoi. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, en fait, donc le réalisateur, il a réalisé 3 films. Dans son deuxième film, il a fait jouer cette fois Kieran. Et Kieran Culkin, et en fait, sa femme est Kieran Culkin, donc on jouait dans le deuxième film du réalisateur, mais ils jouent tous les deux dans la série Succession, qui est tout se recoupe. Et en plus, dans la Le série. Dans la... film Alain Bergan, je l'ai dans mes DVD. Margaret, ils sont pas Ah ouais? vus. Ouais, ils sont pas vus. Moi, Bah, le film, en c'est. fait, il dure 3 heures, hein, en fait. Alors, autant moi j'avais déjà entendu très vaguement parler de Tu peux compter sur moi, mais de Manchester by the Sea surtout, qui est le troisième et dernier, et autant Margaret, que dalle, quoi. Bon, Margaret, le titre, je sais pas si c'est. Je sais pas si c'est ça, mais enfin, Attends, dis-moi c'est si. je crois que c'est Margaret, attends. C'est ça, oui. T'as vu? Oups. Ah, j'ai Ouais, bonne mémoire. Et donc, la durée qui. Oui, voilà, 2 heures et demie, 2 heures et demie, apparemment, c'est encore la version tronquée, qui, apparemment, il dure plus de 3 heures, alors que. il a fait un Bollywood, le gars, quoi. Uncut. Et donc, ouais, donc, il y a beaucoup d'humanité dans ce film, en fait. Pour en parler complètement, il y a beaucoup d'humanité dans ce film, mais sans faire des tonnes, c'est-à-dire qu'on n'est pas à vouloir te faire l'harmonie absolument, quoi. Il s'agit là, en fait, de décrire avec minutie la complexité d'un rapport frère-sœur, en fait, qui ont un bagage émotionnel, c'est-à-dire le drame qu'ils ont vécu. D'ailleurs, ce drame, en fait, il n'est même pas utilisé de manière hyper dramatique, tu vois, en faisant des tonnes. Non, en fait, on sait qu'ils l'ont vécu, point. C'est juste, voilà, c'est un truc qui cède le contexte au début, quoi. Le jeu d'acteur, je pense qu'il y est pour beaucoup dans la simplicité des échanges, parce que Laura Linney et Mark Ruffalo en tête, je le disais, ils sont très bons, ils ont rarement été mauvais, ces mecs-là. Parce que même sans avoir de ressemblance physique, parce que Laura Linney, c'est une blonde, cheveux raides, yeux bleus, je crois, avec des petits yeux. Enfin voilà, c'est physiquement les deux, ils se ressemblent pas trop, elles. Mais ils ont une bonne chimie, en fait, qui passe et du coup qui rend leur lien familial crédible. En fait, on se sent un peu comme le personnage dans le film, on se sent un peu comme le personnage de Mark Ruffalo, c'est-à-dire qu'on d'un coup on se retrouve plongé dans la vie perso du personnage de Laura Linney, donc Sammy, avec tout ce qui s'entrechoque autour d'elle, et on la voit se débattre, enfin, on sent que le personnage est fort parce que on la voit se débattre avec tout ce à quoi elle doit dealer. Et souvent d'ailleurs c'est que des hommes, hein, qui elle doit dealer. Et elle est au milieu en train d'essayer de tenir, quoi. Oui. Et on est sur une réalisation sobre aussi, mais qui sait utiliser la caméra de manière mouvante en fait quand il s'agit de se rapprocher des personnes, mais uniquement si c'est nécessaire. C'est-à-dire que c'est pas le truc où on te dit ou qui est utilisé pour donner un style. C'est vraiment uniquement si c'est nécessaire. Pour l'histoire à peu près, on est vraiment sur quelque chose qui est pas foufou. Ce qui est marrant parce que c'est un peu son boulot, tu vois, normalement le scénario. Mais je pense que c'est voulu parce qu'en fait, c'est là qu'on voit toute, parce que, enfin, la réalisation et la direction d'acteur, en fait, donne d'ampleur au scénario, justement. Et c'est là qu'on ressent bien la complémentarité de ces éléments. Il faut ressortir pile le nécessaire des situations. Et d'ailleurs, la qualité de la direction d'acteur, par exemple, c'est un truc qui a l'air d'être une caractéristique du Réa, parce que je voyais des critiques sur Manchester by the Sea, et ils avaient l'air de plutôt louer ce côté-là, quoi. Et un autre élément qui contribue à garder une certaine ambiance dans le film, bah c'est la musique, parce que tantôt elle est classique et grave par l'utilisation du violoncelle, ou limite religieuse par moment. En fait, la BO du film semble dire attention, on n'est pas dans un psaume, on est dans un film sérieux là. Donc c'est voilà. Après, on n'est pas non plus sur un film qui aboutit à une morale, pas du tout. Il n'y a pas de message particulier. On est juste sur une tranche de vie où on est plongé en fait sur un leurre. On est embarqué en fait. On est plongé sur un relationnel entre un frère et une sœur, voilà, le temps d'un instant. Après, moi, le film est très beau, mais en même temps, j'ai eu un peu de mal au début. Mais voilà, après ce petit à petit, on se laisse prendre. Voilà, voilà. Ok, eh bien, tu en avais des choses à se dire sur ce film, Cathy? Ah ouais, j'avais pas l'impression d'avoir dit beaucoup. Mais bon. Des fois, je parle pour rien dire aussi. Donc toi, mon cher Guillaume, parle-nous de ce petit bijou qui est la phrase interdite que j'avais pu voir il y a quelques années. C'est quelque chose. Je pense qu'en fait, il faut vraiment, si vous avez l'occasion de le voir, de tomber sur une copie, il faut le mater. Oui, eh bien, malheureusement, il n'y a pas de copie qui existe. Non, ça se refile, ça. Voilà, on n'en dira pas plus. Donc, La France Interdite, ça appartient au domaine du Mondo. Le Mondo, qu'on appelle aussi Mondo Film ou Mondo Movie, c'est un genre de cinéma d'exploitation qui a une approche très documentaire, souvent crue et, on va pas le cacher, racoleuse, très racoleuse. Bon, le choix des images, mais souvent on a un aspect lié au cul ou à la violence. Et les Mondo, il y en a plein. D'ailleurs, c'est souvent des faux documentaires qui Oui, vont un celui-là, c'est un peu, faux, c'est ça, qui vont un hein. peu dans des trucs. Dans le cas de La France Interdite, qui est signé par Gilles Delannoy, oui, Ouais. Delannoy, De la non, ah, moi je dirais. De la je ne sais noix. jamais ces trucs, on ne sait jamais. Attends, je crois qu'ils sont deux à le faire, quoi. Moi j'ai trois noms. C'est marrant parce que sur certains sites, il y a juste Gilles Lanois et sur IMDb, il dit Jean-Pierre Garnier. D'accord. Ouais, mais moi j'en ai un troisième aussi, c'est Jean-Pierre Imbro-Auris, voilà. Ouais, qui est juste mentionné en tant que scénariste pour l'idée originale et bah, tous les Je textes pense que aussi ça en. doit dépendre, tu vois, en fait, ça a dû être un travail collectif. Ah bah Et oui. les gars, ils ont mélangé et seront répartis après coup, Ouais, nous et toi tu feras quoi, Jean-Pierre? Oh bah écoute, tu peux me dire que j'ai fait les dialogues, etc. Ah bah d'accord. en Ça va peut-être que c'est discuté entre au moment du fromage, quoi. Voilà. Du coup, oui, donc La France Interdite, donc c'est un mando. Et on va pas se le cacher, le film va raconter n'importe quoi pour nous montrer que la France, attention madame et messieurs, la France, c'est une belle nation qui est un peu trop libertaire, un peu trop païenne, un peu trop déviante. Donc le film est devenu mythique pour un peu toutes les conneries qu'il raconte. Et quand je dis conneries, à un moment, par exemple, on a un plan en hélicoptère de Carcassonne, et le film enchaîne en disant, nous avons réussi nos caméras à entrer, il y a des messes noires qui se déroulent à Carcassonne, etc. Notre équipe a eu l'autorisation de filmer les messes noires, etc. Et en fait, on a juste un mec déguisé avec une nana à poil sur une statue, puis la nana, on va lui mettre des trucs pour la fertilité, plein de trucs sur le corps, etc., qu'on va étaler bien massé. J'aime bien comment la caméra s'attarde. Puis après le commentaire toujours laconique qui fait malheureusement, nous n'avons pas pu tourner ce qui se déroule après. Et hop, ça enchaîne à autre chose, quoi. Il fait, ok, non mais vous pouviez dire, les mecs, vous n'avez pas d'idée, vous avez embauché des acteurs, etc. Au point où on en est, quoi. Parce que la moitié des trucs, ça sonne faux ou ça sonne tourné juste pour l'occasion avec des acteurs qu'ils ont embauchés, tout ça. La preuve en est, par exemple, qu'il y a un moment une scène de striptease, et celle qui a fait la scène de striptease dans À Pigalle, derrière des vitres, en fait, c'est une actrice qui a fait qui a tourné dans le porno, etc., tout ça, etc. Mais qui n'est pas quelqu'un qui travaille dans les striptease de Pigalle à la base, quoi. Donc voilà, à un moment, il y a le spécialiste de la boxe thaïlandaise. Il y a un match qui est filmé, etc. On peut se poser la question de savoir si vraiment à Paris, dans les bas-fonds de Paris, il y a un match thaïlandais, etc. Même s'ils ont l'autorisation ou l'accord du champion de boxe thaïlandaise de l'époque. En fait, le film est donc devenu culte pour tout cet aspect-là, pour cette espèce de gros bordel qui n'a qu'un but, c'est de montrer du cul et des soirs qui partent complètement en vrille, un peu dans n'importe quoi. D'ailleurs, j'aime beaucoup un Je passage. pense un peu de se foutre la gueule aussi de ce genre de docu qui un peu Oui, racoleur. mais je pense que surtout qu'ils ont voulu se faire plaisir, quoi, et ils vont à fond. Et là, en plus, il y a surtout des séquences, mais il faut le voir pour le croire. À un moment, ils sont dans un club, c'est un club pour entre maître et esclave. Et on a les mecs qui sont tous avec des moustaches et du cuir. Tu vas nous pouvoir faire Katou un petit coup de Vas-y, quoi. cuir, moustache. Ouais, mais je fais pas ça, moi. Ouais, alors là, c'est tous cuir et moustache. Et puis il y a le mec qui est harnaché, l'esclave avec une petite chaîne, son visage est cagoulé, puis il demande à boire, et puis l'autre il fait non, tu peux pas boire, j'ai soif, non, tu peux pas boire. Et puis il le fouette, mais c'est mou, hein, il le fouette moment du fait. Ouais, ça valait bien la peine d'interdire ça au moins de 18 ans si c'est pour montrer truc très mou, quoi. Oh bah c'est trop mignon comme passage. Ah, c'est très mignon. Il y a même un moment, la voix qui nous fait, là dans les caves de ce château, etc. Et il y a une scène qui se déroule, ce couple est venu en preuve d'amour. Et la preuve d'amour en question, c'est quoi? C'est madame qui se fait ligoter, enchaîner et fouetter. Et puis après, elle va se faire sodomiser, avec un bon gros god pendant que le mec, il lui fouette les fesses. Et ça se trouve, il espère, le mec qui fouette les fesses, que ça va dilater son anus, tout ça. Alors, j'ai envie de dire, non, mais bon, tu peux continuer, mec. Non mais il faudrait que je le revoie pour juger, mais je pense qu'il doit y avoir un état d'esprit limite comme tu sais, les faux documentaires de Ah oui, CNN vraiment. International et tout, les trucs comme ça, tu vois. C'est Mais complètement, complètement ridicule et je crois que c'est totalement assumé. ah ouais. Mais outre ce bordel donc qui est formidablement culte déjà, et outre le fait que le film est limite introuvable, il y a la musique d'André Georgé qui est magnifique, qui est composée spécialement pour le film. Et la musique, tu dis par moment, elle est tellement bien, elle est trop bien pour ce genre de truc. C'est une musique électronique, donc on ne peut pas oublier que la France Interdite, c'est de 84, si je ne me trompe pas. 84, ouais. Et elle est dans deux orgies qu'on les oppose à cette époque, tu sais. C'est presque, en fait, on voit la Synthwave qui débarque de nos jours. C'est presque une espèce d'ancêtre de la Synthwave, à quelques décennies près, quoi. C'est musique électronique, mais qui est presque Synthwave. Tu m'étonnes que ça soit devenu culte et qu'on soit jeté dessus quand ça a été réédité en vinyle, quoi. Et puis même, encore une autre preuve, elle est même pas créditée. Enfin, si, elle est créditée en tant que Madame Brigitte Simonin à la fin du film. Eh bien, nous remercions Madame Brigitte Simonin. Elle est dans mes remerciements. Brigitte Simonin, c'est quoi? C'est l'autre nom d'une certaine Brigitte Lahaie. Parce que l'image culte du film, c'est Brigitte Lahaie qu'on voit chevaucher nu un cheval à la fin dans les plaines près de la Normandie. On Oui, voit c'est même vrai. les... Voilà. Oui, et la scène n'est pas truquée ni rien. Brigitte Lahaie, il faut savoir qu'elle fait du cheval, elle est écuyère, elle monte très bien à cheval, elle a une grande passion pour les canassons. Et donc du coup, j'ai presque envie de dire que ses frères, ses films de potes, lui ont fait, Brigitte, tu veux tourner une scène? Et Brigitte lui va dire, ouais, mais j'ai arrêté le porno depuis 80, des petites écolières, j'ai arrêté, là maintenant je fais que des trucs érotiques de temps en temps, hein, en 84. Ils ont dû dire, ouais, mais t'inquiète pas, si tu peux être toute nue dans le film pour même tiens, je peux faire du cheval, vas-y. J'ai envie de voir, c'est un peu ça. Et pour conclure là-dessus d'ailleurs, il y a quelques années, il y avait eu un entretien pour Lahaie Sud Radio, ce qui est en fait l'émission de radio de Brigitte Lahaie, sur la radio Sud Lahaie. Et on lui avait remonté un extrait de La France Interdite à Brigitte Lahaie. Et ça, vous pouvez revoir ce passage sur Twitter, vous pouvez le retrouver. Et Brigitte Lahaie, elle était très mélancolique, elle disait quand je suis un peu triste, angoissée, malheureuse ou énervée, je monte sur un cheval et tout s'en va. Je trouve que c'est une très belle conclusion pour La France Interdite, quoi. On voit ces images de Brigitte qui chevauche à cheval, etc., un peu comme une cowgirl moderne. Et peut-être que Brigitte avait du vague à l'âme à ce moment-là, quand elle était filmée, tout ça. Non, et je trouve que c'est voilà, c'est une petite conclusion, poétique pour terminer pour parler de ce documentaire qui n'est pas du tout poétique, sauf la scène de fin justement avec Brigitte sur un cheval. Donc voilà, non, c'est, je ne regrette pas d'avoir vu ce truc, quoi. C'était assez rigolo pendant tout le film. J'étais en train de me marrer, de dire ah oui, mais quand même vous déconnez quoi les mecs, vous abusez. Et voilà quoi, c'est, je suis content d'avoir vu. C'est effectivement culte et il y a une bonne raison pour ça. D'accord. Voilà. Ben écoute, on va terminer là-dessus. Oui. On revient la semaine prochaine pour notre toute dernière, comme on vous l'a dit au début, émission. Spécial à l'ouverture du ciné. Ouais, spéciale réouverture de ciné. Mais ce n'est qu'à nous revoir. Oui, parce que on sait jamais hein, si on nous remet en confinement, on revient. Enfin bon. Non, mais Comme dans le bon. truc, mais par où t'étais parti, Je sais la pas, partie fermée. par où t'es rentré, je t'ai pas vu sortir. C'est C'est vrai. En fait, on est des chats, on est tous que des chats, quoi. fait. Tu veux rentrer? Tu veux sortir? Tu veux arrêter l'émission? Tu veux continuer? Bon, bah, on vous dit, hein, au revoir, on fait de gros bisous. Allez, à la semaine Ciao! prochaine, les amis. Ciao, ciao!